إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع في دراسة رسالة الشيخ عبد الكريم بن برجس رحمه الله تعالى، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. C'est notre quatrième cours autour de l'étude du site Risala du Cheikh Abdelkrim Ibn Barjis Rahimahullah Ta'ala, qui est intitulé « Le comportement adéquat à avoir avec les gouverneurs à la lumière du livre d'Allah et l'authentique de la sunna des prophètes alayhi salatu wassalam ». Wa nahnu ma'a al-fasli al-thalith al-an wa anwalanahu rahimahullah wa huwa fi al-sabri ala jawri al-a'imma. Et nous sommes avec le troisième chapitre du site Risala. Et le titre de ce chapitre, patienter et endurer pour l'injustice des gouverneurs. Yaqulu rahimahullah ta'ala, as-sabro yadlikouahi. As-sabro ala jawri al-a'immati aslun min usul ahli sunnati wal jama'a. Kama qala ibn Taymiyyah rahimahullah. En citant cette parole de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, que la patience, le fait de patienter, d'endurer face à l'injustice des gouverneurs est l'un des fondements parmi les fondements des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Yaqulu rahimahullah, la takadu tara mu'allafan fi sunna yakhlu min taqriri hadha al-asl wal hadd alayh. Tu ne pourras pas trouver un livre qui a été écrit dans la sunna dans lequel il n'y a pas le fait de confirmer ce fondement et d'inciter les gens à se cramponner à ce fondement. Yaqul wa hada min mahasin ash-shari'ati fa inna al-amra bis-sabr 'ala jawri al-a'immati wa dhulmihim يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. Il dit, ça fait partie de la beauté de cette législation et de la bonté de cette législation, car le fait d'ordonner la patience et l'endurance face à l'injustice des gouverneurs, cela ramène beaucoup de bien et repousse beaucoup de mal. Il ramène le bien avec lequel seront réformés les serviteurs et la terre et le pays dans lequel ils vivent. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه فالخروج عليهم أي على الأئمة يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة. Et il cite les paroles de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi qui dit « L'injustice qui émane des gouverneurs par une interprétation autorisée ou qu'il n'est pas autorisé, il n'est pas permis. Hein? Deux, d'enlever cette injustice. Hein? Comme si la coutume, c'est les gens. Ils enlèvent le mal par un mal beaucoup plus grand. Et hein, ils enlèvent un mal par un mal beaucoup plus grand. Car le fait de se révolter contre eux, les gouverneurs et contre leur injustice, hein, va ramener un mal beaucoup plus grand que leur injustice et que le mal qu'ils ont créé. Et dans ces cas-là, il est obligatoire de patienter sur leur injustice, d'être endurant et patient devant leur injustice. Comme on patiente quand on ordonne le bien et quand on blâme le mal, on doit patienter par l'injustice qui peut nous arriver, hein, de celui à qui on prodigue le conseil ou de celui à qui on lui dit ce travail n'est pas bon, il ne faut pas que tu le fasses. Hein? Il cite la parole d'Allah Azza wa Jal. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Il cite le verset comme preuve. Ordonne le bien, interdis le mal et blâme-le, et patiente pour ce qui t'arrive. Endure pour ce qui va t'arriver. Parce qu'il est évident, quand tu vas te mettre dans la position de celui qui ordonne et celui qui, hein, qui blâme, il est évident que tu dois endurer. Tu vas subir de la part des gens. وقوله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل et patiente comme ont patienté et endure comme ont duré les prophètes, les messagers doués de ferme résolution. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا et dans l'autre verset et patiente au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala car tu es, nous te voyons, nous te protégeons. وفي الشريعة للآجر رحمه الله عن عمرو بن يزيد قال سمعت الحسن أي الحسن البصري رحمه الله أيام يزيد بن المهلب يقول وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ثم تلا قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et dans Sharia, l'imam al-Ajurri rahimahullah, il rapporte d'Amr ibn Yazid qu'il a dit, j'ai entendu l'Hassan. Qui est l'Hassan? L'Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Pendant la période de Yazid, ibn al-Muhallab dire, quand certaines personnes sont venues voir l'Hassan al-Basri, il leur a ordonné de rester chez eux, de ne pas rentrer dans la fitna, et de fermer leurs portes. Et de ne pas se mélanger aux gens de la fitna, et de ne pas s'immiscer dans le milieu de la fitna. Et il leur a ordonné quoi? De fermer la porte et de rester chez eux. Hein? Et il a dit par Allah, c'est les gens, quand ils sont éprouvés par leur gouverneur, ils patientent, ils endurent, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever cette injustice. Mais quand les gens sont éprouvés par leur gouverneur, ils courent directement vers les armes, ils se révoltent, et Allah subhanahu wa ta'ala les laisse directement avec leurs armes. Il dit par Allah, jamais ils ont ramené un bien. C'est-à-dire jamais, que quand les gens se révoltent et prennent les armes contre leur gouverneur, n'ont ramené un bien. Et l'histoire de la communauté, tu la lis, tu verras. Et il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset qui dit, et la parole d'Allah s'est accomplie. Hein, la parole de ton souverain s'est accomplie pour Banu Israël. Quand ils ont enduré, quand ils ont patienté, Allah subhanahu wa ta'ala a détruit tout ce qu'a fait Pharaon et les populations de Pharaon. Quand est-ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est parachevée pour Banu Israël? Quand ils ont patienté, enduré, à ce moment-là, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé pour la destruction de Pharaon et de tout ce qu'a construit Pharaon et de l'empire de Pharaon. وقال الحسن أي الحسن صلى الله عليه وسلم أيضا اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت هي أقطع. Écoute maintenant cette paroles d'Allah, ces paroles du Hassan al-Basri rahimahullah, ces paroles qui vont de pair avec la sunna du prophète alayhi salam et avec la voix d'une puissance d'Allah. Il dit rahimahullah, et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la santé et te préserve, que l'injustice des rois c'est un châtiment min Allah. Et les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne les rencontre pas avec les armes. Et le châtiment d'Allah, on ne va pas à sa rencontre avec les armes. Mais le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment sont préservés? C'est avec le dua, avec le fait de se repentir, avec le fait de délaisser les péchés, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. Et de s'abstenir des péchés et de délaisser les péchés. Il a dit car les malédictions et les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on les rencontre avec les armes, c'est elles qui gagnent, c'est elles qui l'emportent. Hein? Et c'est elles qui coupent. يقول ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة ولقد حددت أن قائلا قال للحجاج إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت فقال أجل إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا. ها الأمر واضح وقاعد يمتنو حصل بصري دي que Malik ibn Dinar lui a dit que الحجاج disait, et qui c'est الحجاج, dans la tyrannie, le sang qu'il a fait couler. Il a fait couler le sang de beaucoup de nobles de cette communauté, beaucoup de montagnes de science. Hein? L'Hajjaz disait, sachez que chaque fois que vous faites un péché, Allah subhanahu wa ta'ala fait que votre gouverneur vous fait subir le châtiment. Chaque fois que vous faites un péché, Allah subhanahu wa ta'ala fait que votre gouverneur vous fasse subir le châtiment. Et on lui a rapporté aussi que quelqu'un a dit à l'Hajjaj, tu fais subir à la communauté de Mohammed a.s. ceci, cela, et tu les maltraites, etc. Il lui a dit, certes, je le fais. Je suis le châtiment des gens de l'Irak. Quand ils ont innové dans leur religion, ce qu'ils ont innové dans leur religion, et quand ils ont délaissé la législation de leur prophète a.s. Hein? Clair et net? Il comprenait bien la situation de l'Hijjaj ou là. Là, on n'approuve pas son injustice. Abadan. Mais tout ceci va avec le verset. Ce qui vous arrive comme châtiment, c'est parce que vous l'avez mérité par les actes que vous accomplissez. C'est tout. C'est clair et net. Hein? Comme la parole d'Yel Salaf qui dit, vos gouverneurs, ce sont vos actes. أعمالكم كما تكون يولى عليكم سني با حديث سي دي parole de nous plusieurs d'Allah alayhi. Comme vous êtes, c'est-à-dire comme vous êtes dans l'accomplissement de votre religion, seront vos gouverneurs. Hein? Et vos gouverneurs, ce sont l'image de vos actes. Hein? Et les plus aïeuls comprenaient bien la situation. Et toutes ces paroles dites par le puiseur d'Allah Alim sont conformes à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. وقيل سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج ها écoute la clairvoyance de tes puiseurs d'Allah Alim. فقال رحمه الله لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أوتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير ها on va pas dire que Hassan al-Basri ne comprend pas la réalité de la situation. Il la comprend très bien mieux que ce qui nous entoure maintenant. Ha? Et Hassan al-Basri rahimahullah, il a entendu un nom faire du dua contre le Hajjaj. Il a dit ne le fais pas, qu'Allah te couvre de, ta sainte, de sa sainte miséricorde. Ne le fais pas. Car ce qui vous arrive, c'est vous la cause. C'est vous. Vous l'avez mérité ce qui vous arrive. Et j'ai peur que si on enlève le Hajjaj ou qu'il meure, que ce soit les porcs et les singes qui vous gouvernent. Hein? Clair et net. Faites. Faut pas, on n'a pas le droit de faire du dua contre ce gouverneur. On n'a pas le droit de se révolter contre lui. On doit s'acquitter de notre devoir vis-à-vis de lui. Et si lui, il ne s'acquitte pas de ses devoirs vis-à-vis de nous, on attend nos devoirs chez Allah subhanahu wa ta'ala, nos droits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ce qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la voie sur laquelle était nous puiser au Allah alim. يقول ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال فكتب إليه يا أخي وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام انتهى من كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي رحمه الله تعالى الحسن البصري de dire رحمه الله تعالى il m'a été transmis qu'un homme a écrit à un homme vertueux une lettre pour se plaindre de l'injustice de son gouverneur et l'homme lui a renvoyé ce vertueux lui a renvoyé une lettre il lui a dit mon frère ta lettre est arrivée je l'ai lue est-ce que tu as cité comme injustice des gouverneurs, il n'est pas permis à quelqu'un qui accomplit la désobéissance et qui est dans la désobéissance hein, de se plaindre du châtiment. Il n'est pas permis à celui qui baigne dans la désobéissance de se plaindre du châtiment. Et je crois que la situation dans laquelle vous êtes découle de vos péchés. Clair et net. Ceci est tiré du livre Le comportement de Hassan al-Basri rahimahullah de Ibn al-Jawzi rahimahullah al-jami'a. Wa qala rahimahullah wa qad ja'at ahadith kathiratun 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'muru bis-sabr 'ala jawr al-a'immati wa dhulmihim. Il dit rahimahullah ta'ala beaucoup de hadith ont été transmises, des hadith authentiques ont été transmises de notre messager alayhi salatu wassalam, qui ordonne le fait de patienter, d'endurer face à l'injustice des gouverneurs. منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية fait partie de ces hadiths qui sont clairs ce qui est rapporté par l'imam le Bukhari et l'imam Muslim ça veut dire le summum de l'authenticité hein عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل رسول صلى الله عليه وسلم قال celui qui voit quelque chose de son gouverneur qu'il déteste c'est-à-dire voit un mal de son gouverneur qu'il patiente et qu'il endure car celui qui sort de la désobéissance et qui quitte le groupe d'un nompon hein c'est-à-dire il désobéit hein quand s'il meurt dans cette situation il va mourir la mort des gens de la période pré-islamique. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent mécréants, abadan. Mais ils meurent la mort des gens de la période pré-islamique qui ne voyaient pas de gouverneur, qui ne voyaient pas d'obéissance à, au gouverneur. C'est-à-dire qu'il va mourir la mort d'un désobéissant. Hein? Wa fi riwayatin li muslim man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Et dans une version à l'imam muslim rahimahullah, dit celui qui voit un mauvais acte ou des erreurs de son gouverneur, il voit des choses qu'il déteste de son gouverneur, qu'il patiente, qu'il endure, car toute personne qui sort de l'obéissance de son gouverneur ne serait que d'un empan. S'il meurt dans cette situation, il va mourir la mort des gens de la période pré-islamique. Hein? قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق انتهى من الفتح. Et Ibn Abi Jamra a dit, ce qu'il voulait avec le fait de se séparer, c'est de faire en sorte qu'on ne reconnaisse plus l'allégeance de ce gouverneur. Cette allégeance qui a été donnée à ce gouverneur, qu'on la délaisse de côté, ou qu'on fait en sorte que les autres aussi la délaissent. Même par le moindre acte. Et il a dit... Il s'est séparé du groupe, ne serait-ce que d'un empan. Où il est sorti de la désobéissance, ce serait d'un empan. Parce que ceci, la fin de ceci va amener vers quoi? Va amener vers le fait de couler le sang. Injustement. Et ceci, il est dans le fait. L'interprétation de Sahih al-Bukhari, de l'Hafid ibn Hajar, rahimahullah. ويقول الشيخ رحمه الله والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. Est-ce qu'il voulu dans les hadiths avec le fait de mourir la mort des gens de la période pré-islamique, c'est de mourir comme eux. Mourir dans l'égarement, mourir sans voir qu'il a une obéissance, qu'il doit à un gouverneur. Parce que les gens de la période pré-islamique ne voyaient pas l'obéissance. Hein? Et ça ne veut pas dire qu'il meurt une mort de mécréant, mais il meurt une mort de désobéissant. Ceci est dit par Al-Hafid ibn Hajar dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih al-Bukhari. Wa minha ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أترة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم قوله أثر هي الانفراد بالشيء عمن له في حق وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدين. Et fait partie de ces hadiths aussi ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim il hadith de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنهما رضي الله عنه que le Rasul صلى الله عليه وسلم a dit il va y avoir des situations où les gouverneurs vont s'accaparer du bien. Ils ne vont pas le donner à ceux qui le méritent et à ceux à qui ça appartient. Hein? Et vous allez voir des choses que vous ne reconnaissez pas et que vous blâmez, c'est-à-dire au niveau de la religion. Ils ont dit, « Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ces cas-là » Il leur a dit, « Vous vous acquittez de votre devoir vis-à-vis d'eux. Et vous demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala, votre droit. » Vous acquittez de votre devoir vis-à-vis du gouverneur et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit. Hein? وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفة الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله عز وجل الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لآدائه أو بتعويضنا عنه. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce hadith donc la situation du gouverneur qui s'est accaparé de la fortune, il donne rien à personne, à ceux qui le méritent, à ceux à qui ça appartient c'est leur droit, et qu'il fait apparaître des choses qui sont contraires à la législation. Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a orienté vers la bonne voie et vers le comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala met agréé dans ces cas-là, qui va faire que la personne agissant ainsi va sortir du péché. Et il a dit, vous donnez à vos émirs et à vos gouverneurs leur droit, qui est obligatoire pour vous, qui est le fait de leur obéir, de les écouter, de leur obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas se révolter contre eux. Et de l'autre côté, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala votre droit, hein, votre dû de la fortune, vous le demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allège leur cœur, etc., qu'il les radoucisse pour qu'ils s'acquittent de votre droit, hein, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il vous donne des compensations de vos droits. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, dans l'interprétation de ce hadith, il disait rahimahullah ta'ala, comme vous voyez ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous a orienté vers le fait de s'acquitter de votre devoir vis-à-vis du gouverneur, c'est-à-dire de lui faire dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala il le réforme et radoucisse son cœur. Hein? De lui faire dua et non pas de lui faire dua contre lui, là, de lui faire dua. Hein? Et là, ça, c'est notre devoir vis-à-vis de ce gouverneur, de lui faire du dua pour qu'il devienne doux, pour qu'il devienne bien, pour qu'il se réforme, etc. Et dans ces cas-là, c'est tout le monde qui va être dans le bien. قال النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيه الحد على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. النووي رحمة الله عليه ونتخبطون سحاديث الدي يدون سحاديث l'incitation au fait d'écouter et d'obéir à ce gouverneur, même s'il est injuste, même s'il a dépassé ses limites, et qu'on doit s'acquitter de notre devoir vis-à-vis de ce gouverneur, qui est le fait de lui obéir et de ne pas se révolter contre lui, et de ne pas crier un putsch pour l'enlever, et on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de dissiper le mal de ce gouverneur et de nous repousser son mal et de réformer dans la bonne voie ce gouverneur. Hein? Wa qala ibn Illah rahimahullah fi dalil al-falihin fihi as-sabr 'ala al-maqdur war-ridha bil-qada' hulwihi wa murrihi wa taslim li murad ar-rabb al-'alim al-hakim. Ibn Illah, dans l'interprétation qu'il a fait de Riyad Salihin, il dit, il y a dans ce hadith le fait, l'incitation à la patience, et le fait de patienter sur ce qui a été destiné, ce qui a été décrété min Allah Azza wa Jal, que ce soit bon ou mauvais, et de se soumettre à la volonté du souverain qui fait les choses à la perfection et qui sait tout. Wa minha ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أطرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. انتهى. et fait partie de ces hadiths aussi, ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dans leur authentique, de Usayd ibn Hudayr, qu'un homme parmi l'Ansar, les alliés de Médine, hein, après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en tête à tête, il lui dit: pourquoi tu ne me donnes pas de responsabilité sur quelque chose comme tu l'as donné à tel? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit: après moi, vous allez avoir des gens qui ont les responsabilités, qui vont s'accaparer du bien. Ou que ce soit les gouverneurs, etc. Ils vont s'accaparer des choses et du bien. Patientez et endurez jusqu'à ce que vous me retrouviez sur le bassin. C'est-à-dire, patientez et endurez jusqu'à ce que vous retrouviez le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. L'imam al-Bukhari, partant de ce hadith, il a ouvert un l'imam Nawawi rahimahullah, partant de ce hadith, il a ouvert un chapitre, il a fait le titre du chapitre, chapitre l'ordre de patienter devant l'injustice des gouverneurs et au moment où ils s'accaparent des fortunes. L'ordre de patienter et d'endurer, hein, face à l'injustice des gouverneurs et au moment où ils s'accaparent du bien et de la fortune. وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة انتهى. ابن أبي عاصم dans son livre Sunna, il a dit, il a mis un chapitre en prenant ce même hadith, il a dit chapitre ce qu'a ordonné le prophète عليه الصلاة والسلام de patience, c'est-à-dire le prophète alayhi sallam a ordonné de patienter quand la personne voit comment agissent les gouverneurs et des choses mauvaises que font les gouverneurs. Il doit quoi? Patienter. Et il a mis son titre, le titre de son, hein, de son chapitre, en le prenant directement du hadith du messager alayhi sallam. Wa minha ma dhakarahu al-hafiz fi al-fath وسكت عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسنده للإسماعيلي مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون قلت فكيف يسلم من سلم منهم قال بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه. Et il dit aussi, fait partie de ces hadiths, ce qui est rapporté, ce qu'a cité الحافظ بن حجر dans le Feth. Et en citant ce hadith, il n'a pas dit le degré de ce hadith, il situe dessus. Et le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda dans le musnad de l'Ismaili qui remonte ce hadith au prophète alayhi salatu wasalam, qui a dit: Jibril est venu me voir, il m'a dit ta communauté va être perturbée après toi, va être dans la fitna après toi. Je lui dis, c'est-à-dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'où la fitna va venir? D'où? Il dit, sa fitna va lui venir de ses gouverneurs et de ses hommes de science. Qurra, hein, dans la langue de nos anciens, c'est les hommes de science. Hein. Ce n'est pas le Qurra que nous connaissons maintenant. Hada al-Muqri, kadala, le Qurra dans ce langage, c'est les hommes de science. Et donc ils vont être perturbés par leurs gouverneurs et par leurs hommes de science. Les gouverneurs vont interdire, vont priver les gens de leurs droits. Et les gens vont demander leurs droits, ils vont être perturbés, ils vont rentrer dans la fitna. Et les hommes de science vont suivre les gouverneurs dans la fitna. Ils vont être dans la fitna aussi. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment ils peuvent être épargnés, ceux qui vont être épargnés parmi eux? Il a dit, on s'abstenant, on patiente, on jbril, dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va être épargné de tout ça, c'est celui qui va patienter, qui va endurer. Si on lui donne son droit, il le prend. Si on le prive, il délaisse. Il dit rien, il ne rentre pas dans la fitna. Il ne le demande pas avec les armes, etc. etc. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ والخلال في السنة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا فإن أمرك أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة وروى إيه ابن أبي شيبة دون مصنف Il khallal dans Sunna avec une chaîne de transmission qui est bonne, qui est très bonne, de Souaid ibn Ghafla, a dit que Omar ibn Khattab lui a dit Ya Aba Umayya, je ne sais pas si je te verrai, je te rencontrerai l'année après cette année-là. Si tu es gouverné par un esclave éthiopien dont l'oreille est coupée, écoute-le. Et obéis-lui, même s'il te frappe, patiente, mais s'il te prive de ton droit, patiente. Et s'il veut de toi quelque chose qui va diminuer ta religion, dis, on écoute et on obéit, mais mon sang et non pas ma religion. C'est-à-dire que tu ne lui obéis pas, dans la désobéissance à Allah. Et ne sors pas du groupe, ne quitte pas le groupe. Hein? وروى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم بالصبر ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. Et dans ce qui est rapporté par Tabrizi, dans le conseil aux gouverneurs et aux gouvernés aux populations de Ka'b al-Ahbar qui a dit que le sultan c'est l'ombre d'Allah sur terre. C'est-à-dire c'est l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Hein? Ici, ce sultan, ce gouverneur accomplit l'obéissance à Allah, il aura la récompense et vous, votre devoir, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce gouverneur, il est dans l'obéissance à Allah, vous devez remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce gouverneur accomplit la désobéissance et désobéit à Allah, il aura le châtiment. Mais vous, vous devez patienter. Et le fait d'aimer ce gouverneur ne doit pas t'entraîner dans la désobéissance à Allah. Et le fait de détester ce gouverneur ne doit pas t'entraîner à se révolter contre lui. Claire et nette la parole de ne plus être d'Allah. Hein? Tout va dans le sens, l'obéissance dans l'obéissance à Allah. Et de ne pas se révolter et de ne pas créer l'anarchie dans la communauté de Mohammed al-Islam et de ne pas créer la fitna et faire couler le sang des innocents. Hein? ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم بما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج عليهم المفسد للدين والدنيا. Dans ces preuves, que ce soit dans les hadiths ou dans les positions des nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection et d'autres, il y a quoi? Il y a l'obligation de patienter face à l'injustice du gouverneur et de supporter et d'endurer devant le mal, hein, qu'ils font subir aux populations. Parce que dans le fait d'agir ainsi et d'être patient et de ne pas se révolter contre eux, il y a le fait de repousser le mal. Un grand mal qui va découler du fait de ne pas patienter ou endurer. Car le fait de se révolter contre eux va ramener un grand mal, que ce soit dans la religion ou dans les choses de la vie. Hein? Il n'y a qu'à voir devant toi ce qui se passe maintenant avec ces révoltes. L'insécurité qu'il y a, le sang qui coule. Hein? Et sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait contre cette, quand est-ce que cette fitna aura sa fin. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب على الخروج من طاعة من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إيه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى لديه دون العقيدة الطحاوية، لفت دو سكرمبوني et d'être dans l'obéissance des gouverneurs, même s'ils ont dépassé leurs limites, même s'ils sont injustes, hein? Il dit, c'est ce qui est obligatoire, c'est de leur obéir et de rester dans le groupe de ces gouverneurs et de leur obéir, même s'ils sont injustes. Car découle du fait de se révolter contre eux et de sortir de leur obéissance un grand mal qui est le double de ce qui émane de leur injustice. Le mal qui va découler du fait de se révolter contre ce gouverneur injuste, il est double du mal qu'on subit par l'injustice de ce gouverneur. Et il dit, dans le fait de patienter sur l'injustice de ce gouverneur, il y a le fait d'expier les péchés et de doubler la récompense. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il les a mis sur notre tête parce que nos actes sont mauvais. Et la récompense découle des actes. L'acte il est bon, la récompense sera bonne. Hein? L'acte est mauvais, donc il découle le châtiment. Hein? Donc il dit, rahimahullah, donc il faut que nous fassions des efforts à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à se repentir, et à se réformer, et à faire des bonnes œuvres, et à remédier à nos lacunes. Il cite les versets. Ce qui vous arrive comme catastrophe, c'est parce que vous l'avez mérité, parce que vous, par les actes que vous avez accomplis. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Il cite l'autre verset. Quand il vous est arrivé une catastrophe, alors qu'auparavant vous avez fait subir aux autres le double, vous avez dit d'où vient ceci? Il vient de vous-même. Cette catastrophe vient directement de vous-même. Et dans l'autre verset, ce qui t'arrive comme bien, il vient min Allah. Et ce qui t'arrive comme mal, c'est de toi-même. Et dans l'autre verset, ainsi, nous allons donner le pouvoir des injustes sur les autres injustes parce qu'ils le méritent. Par quoi? Par leurs actes, par les actes qu'ils ont accomplis. C'est-à-dire, le gouverneur injuste gouvernera les gens injustes. Pourquoi? Par les actes qu'ils ont accompli, les mauvais actes qu'ils ont. Parce que celui qui agit mal, il est injuste. Il est injuste vers lui-même, il est injuste vers sa femme, injuste vers les devoirs que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposés, et ainsi de suite quand il est négligé, etc. يقول فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. Il dit, rahimahullah ta'ala, si les populations veulent se débarrasser de l'injustice du gouverneur injuste, ils doivent délaisser eux-mêmes l'injustice. يقول وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم رحمة عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم ولكن توبوا أعطفهم عليكم. وهذا الأثر الذي ذكره من الإسرائيليات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يثبت. هذا كله في العقيدة الطحاوية. Et Malik ibn Dinar de dire que il est venu dans certains livres d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je suis le roi des rois, tous les royaumes m'appartiennent, hein? Les cœurs des rois sont entre ma main, celui qui m'oublie, je ferai en sorte que ces rois, hein, soient doubles, une clémence pour lui, et celui qui me désoublie, faire que ces rois soient un châtiment pour lui. Ne vous préoccupez pas à insulter les rois, mais repentez-vous. Je vais, hein, faire en sorte qu'ils soient doux pour vous. Hein? Et cet atar qu'il cite ici fait partie de l'Israéliyat, et on l'a transmis, le rapportant du prophète alayhi salam, en le relevant au prophète alayhi salam, mais il n'est pas confirmé en tant que parole du prophète alayhi salam. Donc c'est clair, hein? Dans cet atar, il y a le fait, si vous les insultez, hein, bah, ne les insultez pas, ne vous préoccupez pas des gouverneurs, hein, repentez-vous, accomplissez les devoirs que Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposés, et Allah subhanahu wa ta'ala radoucit les cœurs de ses gouverneurs. Le fasl al-rabi' fi wujub as-sam' wa at-ta'a fi ghayri ma'siyah. Le quatrième chapitre, l'obligation d'obéir à ses gouverneurs, d'écouter et de leur obéir, dans l'obéissance à Allah, on n'obéit pas dans la désobéissance à Allah. As-sam'u wat-ta'atu yaqulu rahimahullah li wallati al-amr min al-muslimin fi ghayri ma'siyatin mujma'un 'ala wujubihi 'inda ahli as-sunnah wal-jama'ah wa huwa aslun min usulihim allati bayanu biha ahli al-bid'ah wal-ahwa'. Il dit, rahimahullah ta'ala, le fait d'écouter et d'obéir aux gouverneurs, parmi les gouverneurs du monde de musulmans, et le fait de leur obéir dans l'obéissance à Allah, ceci à l'unanimité, c'est à l'unanimité comme quoi il est obligatoire chez les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et c'est l'un des fondements, parmi les fondements des gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, avec lequel ils sont en différence avec les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion. وَقَلَّ أَنْ تَرَى مُؤَلَّفًا فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَّا وَهُوَ يَنُصُّ عَلَى وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَّاتِ الْأَمْرِ وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا وَإِنْ فَسَقُوا وَفَجَرُوا. Et rare que tu trouveras un livre dont les croyances écrites par les gens de la sunna, dans lequel il n'y a pas un chapitre dans lequel il y a l'obligation du fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Même s'il est injuste, même s'il est pervers, même s'il est désobéissant, même s'il a dépassé les limites. يقول الحسن البصري رحمه الله هؤلاء يعني الملوك وإن رقصت بهم الهماليج نوع من الدواب ووأطئ الناس أعقابهم فإن دل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف انتهى. من آداب الحسن البصري رحمه الله لابن الجوزي. الحسن البصري رحمه الله عليه يدير concernant les rois. Ces rois, même si certains animaux dansent quand ces rois sont sur leur dos, même si les gens sont derrière eux, hein, le malheur de la désobéissance, il est dans leur cœur. Mais il est obligatoire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour nous de leur obéir. Il nous a interdit de se révolter contre eux. Et nous a ordonné de repousser leur injustice avec le repentir et avec dua. Et il nous a ordonné de repousser leur mal avec dua et avec le repentir. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, ben il l'oriente dans ce sens-là. Il le met en application et il n'est pas en divergence avec cet ordre du fait d'obéir au gouverneur et de ne pas se révolter contre ses gouverneurs. Et quand les gouverneurs sont injustes, il patiente, il endure, il se repent et il fait dua. Hein? والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي توارثت بذلك ونحن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله. Il dit, le consensus des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna sur le fait comme quoi il est obligatoire d'écouter et d'obéir au gouverneur, ceci est basé sur des textes de la législation qui sont très clairs. Il dit ici, nous avons cité certains avec lesquels on arrive au but, avec lesquels la situation va devenir claire et la vérité va s'éclaircir devant tout un chacun. يقول فمن تلك النصوص قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في partie de ce texte, ce verset que beaucoup parmi vous connaissent. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et où les amri minkom, ici où les amri minna, sont, comme disent les hommes de science et les gouverneurs. Et si vous avez un litige sur quelque chose, ramenez-la vers le livre d'Allah et vers la sunna du prophète, si vous croyez en Allah et en l'au-delà, car c'est la meilleure des interprétations à faire à cette situation. قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تقدم في هذه إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم انتهى كلامه رحمه الله. ابن عطية لدلو رحمه الله تعالى دون محرر الوجيز en interprétant ce verset, il a dit comme Allah subhanahu wa ta'ala auparavant dans un verset il a ordonné au gouverneur de s'acquitter du dépôt des gens et quand il juge entre les gens qu'ils soient justes dans leur jugement, dans ce verset il s'est adressé aux populations et il leur a ordonné le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se conformer et de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir de ses interdits et le fait d'obéir à son messager alayhi salatu wasalam et le fait d'obéir au gouverneur. Et selon la parole d'une grande majorité d'hommes de science comme Abu Huraira, comme Ibn Abbas, comme Ibn Yazid et d'autres, ceux qui sont concernés ici, ce sont les gouverneurs. قال النووي رحمه الله تعالى المراد بولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل هم العلماء والأمراء انتهى كلامه رحمه الله. النووي de dire ce qui est voulu par ولي الأمر qui pour lequel il est obligatoire, auquel il faut obéir obligatoirement, ce sont, selon la parole d'une grande majorité des salaf et de ceux qui leur ont succédé parmi les interprétateurs et parmi les jurisconsultes, ce sont les hommes de science. Et il a été dit aussi que ce sont les gouverneurs et les hommes de science. Al-Hafidh, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله il dit l'apparence sauf Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il est général, il concerne Hein, les gouverneurs et les hommes de science. Et tout un chacun qui a le pouvoir. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية. Et dans ce verset, le Cheikh رحمه تعالى, ce verset, il y a l'obligation d'écouter, d'obéir au gouverneur. Et ceci, il est dans le sens du terme. Mais il dit ceci est conditionné par ce qui a été confirmé par la sunna, que l'obéissance doit se faire dans l'obéissance à Allah, et ne doit pas s'accomplir dans la désobéissance à Allah. Qala al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amara bi ta'ati ulil amr, wa humul wullat ala al-nas min al-umara, والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إمام السعدي رحمه الله تعالى dire dans ce verset il a ordonné d'obéir au gouverneur, hein, ceux qui gouvernent les gens, que ce soit les juges, que ce soit ceux qui donnent le verdict, les mouftines, les hommes de science, car la vie des gens ainsi que leur religion ne serait sur la droiture qu'avec le fait de se soumettre à ces gouverneurs et à ces hommes de science et le fait de leur obéir. Et c'est une obéissance à Allah, c'est une obéissance avec laquelle tu cherches la récompense min Allah Azza wa Jal, mais à la condition que cette obéissance doit se faire dans l'obéissance à Allah. Et quand ils ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne leur obéit pas. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. يقول ولا لا هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومن يطيعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعة من لا يكون معصية انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et les paroles sont toujours à l'imam Sa'di رحمه الله. Dit peut-être le secret dans le fait que le verbe à l'impératif a été répété, obéissez à Allah et obéissez au messager, et qu'il n'a pas été répété quand il s'agit des gouverneurs et des hommes de science, et parce que le prophète alayhi salam ordonne l'obéissance à Allah, et le fait, celui qui obéit au messager alayhi salam a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, quant aux hommes de science et aux gouverneurs, la condition pour leur obéir, c'est que l'obéissance ne soit pas dans une désobéissance. Hein? ومن النصوص القاضية بوجوب السمع والطاعة للولاة في غير معصية الله ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. Et les textes qui sont irréfutables dans le fait qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir au gouverneur, hein, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas le faire dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique, le livre du jugement, chapitre écouter et obéir à l'imam tant qu'il ne leur donne pas de désobéissance, lui obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que rapporte l'imam Muslim rahimahullah dans le chapitre du gouverneural Imara d'Abdullah ibn Omar du prophète alayhi salam qui a dit: il appartient aux musulmans, il est du devoir du musulman d'écouter et d'obéir dans les choses qui lui conviennent et dans les choses qui ne lui conviennent pas, sauf si on lui redonne une désobéissance. Dans ces cas-là, quand on lui redonnera une désobéissance, il n'y a ni écoute ni obéissance. Hein? قال المبارك فوري في شرح الترمذي: وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. المبارك فوري dans l'interprétation qu'il a fait de Sharh al-Tirmidhi, il a dit: quand le gouverneur ordonne quelque chose qui est du domaine surrogatoire, quelque chose qui est autorisé, quand le gouverneur l'ordonne, il devient une obligation. Hein? قال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة الأحواجي. Et le Mutahhir a dit concernant ce hadith, comme il est rapporté par Mubarak Fouri dans Sharh, l'interprétation qu'il a fait de Sunan Tirmidhi, il a dit: le fait d'écouter au gouverneur et de lui obéir, il est obligatoire pour tout musulman. Que il lui a ordonné des choses qui lui conviennent ou là qui lui conviennent pas, ben il est obligatoire qu'il obéisse, qu'il écoute ce gouverneur, qu'il lui obéisse. Sauf s'il lui ordonne une désobéissance. Dans ces cas-là, s'il lui ordonne une désobéissance, il n'est pas permis d'obéir à ce gouverneur. Mais il n'est pas permis, il n'est pas autorisé à cette personne de prendre les armes contre ce gouverneur. Ça veut dire, il est obligatoire d'écouter où et d'obéir au gouverneur, tant qu'il ne nous ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'écoute pas, on n'obéit pas. Mais on n'a pas le droit de prendre les armes contre lui, ni de se révolter contre lui. Claire la parole des piseurs d'Allah, les des imams de la science. Hein? ومنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأترة عليك. قوله منشطك مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله ومكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر واليسر والخير والشر. قاله ابن كثير ابن الأثير رحمه الله تعالى. Et dans ce qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique chapitre le gouvernorat de Abu Hurairah radiyallahu anhu, a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: il était obligatoire d'écouter et d'obéir dans le moment de difficulté et dans le moment de l'aisance. Quand tu es vif et quand tu aimes les choses, et aussi quand tu détestes. Et même quand on te prive de ton droit, il t'est obligatoire d'écouter et d'obéir dans toutes ces situations-là. Hein? Que tu agrées ou que tu ne l'agrées pas, il t'est obligatoire d'écouter et d'obéir. Dans les situations faciles, et dans l'aisance, et dans les difficultés, dans le bien et dans le mal, dans les situations du bien et dans les situations où tu es dans le mal, tu dois obéir au gouverneur tant que cette obéissance est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est dit par Ibn al-Athir rahimahullah dans Jami' al-Usul. قال العلماء كما حكى النووي رحمه الله معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. Les hommes de science disent, comme l'a rapporté l'imam Nawawi rahmatullah alayh, cela veut dire qu'il est obligatoire d'obéir au gouverneur dans les situations qui te sont difficiles, dans les choses que tu n'aimes pas. Tant que ceci n'est pas une désobéissance à Allah. Si c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'obéissance. قال والأطرة الاستئطار والاختصاص والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. Il attara dans le hadith, c'est le fait qu'il s'accapare du bien de ce bas monde. Même quand il s'accapare du bien de ce bas monde, on écoute et on obéit. Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلكم حقكم مما عندهم. Et rahimahullahu ta'ala, hein, comme il rapportait de Nawawi, ça veut dire vous devez écouter et obéir, même si les gouverneurs s'accaparent des choses de ce bas monde, ils ne vous donnent pas votre droit. Hein? Vous devez écouter et obéir. ومنها كذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم إيه Dans ce qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala dans son authentique, l'imam Nawawi dans l'interprétation de Sahih Muslim, il a mis un chapitre obéir au gouverneur même s'il t'a privé des droits. L'obéissance au gouverneur même s'il prive des droits. Et il dit de Ilqim ibn Wa'il al-Hadrami, de son père, a dit que Salam ibn Yazid al-Ju'fi a posé la question au prophète alayhi salam. Il lui a dit, ô prophète d'Allah, tu vois si il y a des gouverneurs qui nous gouvernent et qui nous privent, qui nous demandent de s'acquitter de notre devoir et qui nous privent de notre droit. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Il lui a posé la question une deuxième fois et une troisième fois. Et l'Ash'at ibn Qays a tiré Salam ibn Yazid. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, ils ont la responsabilité qu'ils ont, ils doivent en répondre devant Allah. Et vous avez aussi votre responsabilité. Ils ont des devoirs, ils vont répondre de ces devoirs devant Allah. Mais vous aussi, vous avez vos devoirs. Acquittez-vous de votre devoir. Hein? Ça veut dire que il doit s'acquitter de nos devoirs. Hein? Et les gouverneurs, ils ont d'autres devoirs beaucoup plus graves que le nôtre. وفي رواية لمسلم أيضا فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة ووجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أتموا وحمل الرعية السمع والطاعة لهم فإن قاموا بذلك أثيبوا وإلا أتموا. Et dans une autre version de Muslim, l'Ash'ath a tiré Salam ibn Yazid. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, car ils ont des devoirs et ils vont rendre des comptes sur leurs devoirs chez Allah subhanahu wa ta'ala, ses gouverneurs. Et vous aussi, vous avez vos devoirs. Vous devez vous en acquitter, c'est-à-dire, hein? Il dit la signification, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé des devoirs à ses gouverneurs, comme le fait qu'il a fait obligatoire pour eux, quand ils jugent justement entre les gens. Et s'ils ne s'acquittent pas de ce devoir, ben ils sont dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aussi aux populations d'écouter et d'obéir à ses gouverneurs. S'ils accomplissent l'obéissance à ses gouverneurs, ils vont avoir la récompense minallah. Et s'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs vis-à-vis du gouverneur, ben ils seront dans le péché. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف إيه وسي في partie de ces hadiths, ce qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith de حذيفة بن اليمان رضي الله عنه qui a dit, j'ai dit يا رسول الله, nous étions dans un grand mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien, c'est-à-dire l'islam. Et nous, nous sommes dans ce bien. Est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il y aura un mal. Hein? Et il lui a dit, Ya Rasulallah, et après ce mal-là, est-ce qu'il va y avoir un bien? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, il va y avoir un bien après ce mal. Il lui a dit, est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Il lui a dit, oui, il y aura un mal. Il lui a dit, comment? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Et il a dit à Rasulallah, comment faire dans ces cas-là? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment ça va être la situation? Il lui a dit, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, après moi, il va y avoir des gouverneurs qui ne seront pas sur la même voie que moi, qui ne vont pas accomplir ma sunna. Et autour d'eux, il va y avoir des hommes dont les cœurs, ce sont les cœurs d'Yashayatin, dont les cœurs humains. Il lui a dit, Ya Rasulallah, comment faire dans ces cas-là? Si je vis à cette époque, et au milieu de ces gens-là, et de ces gouverneurs qui sont ainsi, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, Rasulallah, il lui a dit, tu écoutes, tu obéis au gouverneur, même si on te frappe, on te fracasse le dos, même si on prend ta fortune, tu dois écouter ou obéir. Claire la parole du prophète, alayhi salam. Il n'y a pas prends les armes. Il n'y a pas révolte-toi, sors dans les rues. Écrit, Abedan. Écoute et obéis. Même si on prend ta fortune. Même si tu reçois les coups de fouet. Ou هذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. إد قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهلهم ولا في رعاياهم. السحاديث il est énorme dans cette situation, hein? Il nous éclaire à ce niveau là. Regarde, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la description qu'il a fait de ses gouverneurs. Il a dit que c'est des gouverneurs qui ne sont pas sur le même chemin que lui. Ils n'accomplissent pas la sunna en eux-mêmes, ni en leur famille, ni en concernant leur population. Ils sont dans un grand mal, dans un égarement. Ils ont dépassé les limites. Hein? Wa ma'a dhalika فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء